tu veux de moi? Pour t'accompagner au long des jours, laisse-moi grimper près de toi sur le grand chariot de bois et de toi. Nous nous en irons du côté d'où montera le jour. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cherche d'autres bras, car la romance, pour nous, vinha reclamar. Que ce soir j'annonce une ville, ville. Elle s'oublie, aussi dites-moi bien. Tant qu'un soleil se lèvera chaque matin sur tous les bonheurs de ce monde et ses chagrins. On aura raison de vivre, vivre entre ton pain. Thank you. naufrage et pour voler au vent un peu de ses voyages. Je te demande un peu d'amour pour peupler mon sommeil de joies à ton image, pour changer en soleil des boissons de nuages. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Saint-Jean de Bois. Terre des Saint-Jean de Bois qui fleurit ses parfums. Terre des Saint-Jean de Bois qui fleurit ses parfums. Qui fleurit ses parfums et donne des petits pois. Des petits pois, c'est bon. Des petits pois, des coulala. Des petits pois, c'est bon. Et la ricoulala. Qui fleurit ses parfums et donne des petits pois. Et donne des petits pois. Des frais du nougat. Du nougat, c'est bon. Écartons les étoiles tombées le matin. Voilà.